بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم اكتفى ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى قال والنحر من العبادة التي يجب l'insan annahu yasrifuha lillah subhanahu wa ta'ala an-nadhr comme on a pu voir que dalika c'est une ibada. Pourquoi? Parce que ça rentre dans la définition dont a évoqué Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala, qui fait partie des actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les actes qui sont apparents qu'Allah azza wa jalla l'aime et l'agrée. Wa dayu dalika qul subhanahu wa ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Donc cette ayah, Allah azza wa jalla a évoqué que an-nusuk qui est an-nahr, yani le fait de dégorger, ça fait partie des choses qui sont Allah Azza wa Jal. Lillahi Rabbil Alamin. Wa kadaika qul subhanahu wa ta'ala fa salli rabbika wanhar. Yani Allah Azza wa Jal, lorsqu'il leur donne une chose, c'est que forcément il aime. Lorsqu'il leur donne une chose, c'est que forcément il aime. Et lorsqu'il interdit une chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il la déteste. Donc le fait qu'il a ordonné, c'est qu'il aime. Donc le fait qu'il aime, ça rentre dans la définition de al-ibada. Donc c'est une ibada min al-ibadat. Donc celui qui l'a qu'il la donne à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a certes associé. Donc al-nahr hadhihi ibadah jalila. Tam iraqatu ad-dima' ala sabil at-ta'zim lillah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de verser le sang, tam d'immoler une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ziman lahu jalla wa ala, afin de immensifier subhanahu wa ta'ala. Fa hadha lillah azza wa jalla. Qala rahimahullah ta'ala qala war-raja. War-raja il traduit par l'espérance. War-raja fi al-lugha qaluhu wa bi ma'na at-tama'. وقال العلماء اي في مكان في المستقبل يعني des choses يعني il a une espérance sur une chose qui est quoi dans le futur sur une chose qui est dans le futur وكان قريب المنال يعني une chose qui est سهل كذلك une chose qui est سهل parce qu'il y a une chose يعني qu'on appelle كذلك qui est une sorte d'espérance qu'on appelle ça التمني التمني والرجاء tu regardes c'est à peu près la même chose يعني espérer une chose لكن الرجاء c'est dans les choses qui sont possibles يعني d'acquérir. Yani dans l'insan, il peut avoir. Ou amat tamanni, généralement, c'est pour les choses dont c'est impossible d'avoir. Comme celui yani, qui espère yani, retrouver sa jeunesse. Yatamanna shay'an. Yatamanna shay'an. Là, on ne peut pas dire yarju. S'il espère une chose qui est impossible, on appelle ça tamanni. On appelle ça tamanni. Mathalan, lorsque Pharaon, il a voulu. من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من سنة المرسلين. قال وعلى هذا فالذين لا يبدؤون مؤلفاتهم ورسائلهم بسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء تركوا سنة النبي سنة النبوية تركوا السنة النبوية نعم لأنها هي سنة كما سبق بل هذه الأمور يعني إذا علمنا أنها من السنن فإذا ينبغي الاهتمام به أن نهتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حث هو صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال عليكم بسنته وهذا يشمل كل السنن لأن المفرد أضيف إلى معرفة كما هو الحاصل هنا مع الياء سنتي فهذا يشمل يعني يشمل كل Donc là, il nous a évoqué يعني deux aspects, deux conditions en vérité pour qu'on dise que c'est un raja. Il espère une chose يعني qui est quoi? Qui est mumkin. Il espère une chose qui est mumkin. Donc ça exclut at-tamanni. Et il prend كذلك al-asbab. فلابد من أن يكون ذلك المرجو ممكنا وكذلك لابد أن يكون يعمل في تحصيله. Il faut qu'il œuvre en conséquence, il faut que ce soit dans les choses dont يعني c'est possible d'acquérir. فهذا يسمى الرجاء. Si jamais ce n'est pas le cas, il y en a dans les choses qui sont impossibles d'avoir, on appelle ça tamanni. Et si jamais ce sont des choses qui est possible d'acquérir, là qu'il n'œuvre pas, pour pouvoir acquérir ces choses-là, on appelle ça at-tama'. Qala wa huwa qabih. C'est du tamanni, كذلك on peut dire. Comme dans le hadith, wa yatamanna 'ala Allah al-amani. C'est-à-dire, il espère des choses sans faire les asbab, yani. Ar-raja, il faut savoir que yanqasim ila thalatha. Ar-raja al-ibada. C'est dans les choses dont on espère yani, acquérir et dont Allah subhanahu wa ta'ala faqat yamliku. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui possède ces choses-là. Fatarjou ma'inda Allah azawajal. Tu espères les choses qui sont auprès d'Allah et que tu ne trouves que auprès de lui. Ça, c'est raja al-ibada, à partir du moment qu'il œuvre en conséquence, comme on a pu voir. Ça, c'est raja al-ibada, dans les choses dont Allah subhanahu wa ta'ala possède uniquement. Hada huwa al-ibada, c'est ce qui est voulu ici. Quelle hafia, mathala? Le fait d'être dans la hafia, wa tawfiq, wa sadad, wa dukhul al-jannah, wa ijtinab al-nar, wa al-ma'asi ila akhirihi. Tout ça, ça fait partie des choses que dont Allah azza wa jal yamlikuhu wahdahu la sharika lah. Fait le fait d'espérer ces choses-là qui sont près d'Allah azza wa jal et d'œuvrer en conséquence, ça c'est ce qu'on appelle ar-raja, ar-raja al-ibada. Et c'est ce qui est voulu ici. Hada huwa al-mamduh. Naam. Wa le qism al-thani raja al-shirk. Raja al-shirk. Lorsqu'on espère une chose dont Allah subhanahu wa ta'ala est le seul détenteur et on espère auprès d'une autre personne. On la demande auprès d'une autre personne. Fahada huwa raja al-shirki. C'est celui qui fait sortir l'islam. Naam. Wa raja al-tabi'i. C'est celui dont la personne yani yamlik. Mathalan, tu espères qu'il va venir. Le fait qu'il vienne chez toi, c'est possible. On ne peut pas dire que c'est une chose yamlikuhu illallah subhanahu wa ta'ala. Malgré que c'est Allah qui donne la tawfiq, et c'est lui qui. On n'a pas la volonté de faire une chose, excepté si Allah le veut. Lakin, c'est une chose dont Allah Azza wa Jal lui a donné la possession. Il peut venir, il peut venir t'aider, mathalan, tarju annahu yusa'iduk. Et t'espère qu'il va t'aider. À partir du moment qu'il peut t'aider dans ces choses-là dont tu lui as demandé, fa raja ukahahona, c'est pas un raja qui shirki. Pourquoi? Parce que c'est une chose dont la personne yani, a la possibilité de faire. Yamlikuhu. Donc ça c'est tabi'i, la basbihi. Lakin, tout en sachant que lui c'est qu'un sabab. C'est qu'une cause. Et tu espères qu'il vienne t'aider, lakin, tu sais que c'est une cause parmi les causes. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala fil haqiqa qui t'aide. Si jamais il veut que cette personne-là t'aide, il t'aidera. Donc c'est-à-dire que le cœur ne doit pas être yani, et se reposer sur lui à 100%. Dans le sens où yani, il pense que c'est que l'aide elle va venir de lui, quoi qu'il en soit. Yani, il taqid que lui c'est un sabab. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui lui donnera la volonté. Lakin il a la possibilité de t'aider. Donc elle, si jamais tu taqid que cette personne-là n'est qu'un sabab, et tu lui demandes un intérêt parmi les intérêts ou un service parmi les services, donc tu espères qu'il va t'aider. Donc ça ne fait pas partie du shirk. Et ça ne fait pas partie de quel ibadah. C'est un raja qui est tabi'i, qui est ali. Naam. Par exemple, le médicament. Mathalan, tu achètes un médicament, tu espères qu'il sera quoi? Bénéfique. Yani, tu espères que ce médicament-là, inshallah, tabarak wa ta'ala, va être profitable. Naam. Tu espères la guérison par le biais de ce médicament-là. Naam. Ensuite, les ulama, ils ont évoqué donc ar-raja, tam ki mazmoum. Comme on a pu voir, il y en a qu'on peut dire tama ou bien tamanni. Qala ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, qala ar-raja thalathatu anwa'. Il nous dit que ar-raja, il a trois catégories. Qala mahmoudan wa nou' mazmoum. Qala fa al-awwalan, donc les deux premiers qui sont mahmoud, qala raja ar-rajul 'amala bi ta'ati Allah 'azza wa jalla 'ala nour min Allah yarju thawab Allah. Celui qui œuvre, yani par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, sur une lumière d'Allah Azza wa Jalla, il le fait par ilm, pas par jahl, il recherche la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani le fait de espérer la récompense d'Allah Azza wa Jalla en obéissant, donc il prend l'asbab. Donc ça c'est quoi? C'est mamdouh, c'est louable. Wa thani, c'est l'axe, yani, c'est-à-dire qu'il a fait un péché et il souhaite yani, s'en sortir, donc il va prendre l'asbab. Istighfar, tawba, inaba, donc il va prendre l'asbab pour pouvoir sortir de ce dhamb pour pouvoir yani, acquérir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait d'espérer une chose qui est auprès d'Allah azza wa jal bi ta'atihi, ou bien de sortir d'une chose dont Allah azza wa jal a interdit bi ta'atihi, qui la remet, c'est mahmoudan. Les deux sont louables. Qalwa al-nu'u al-thalith, celui qui n'est pas mahmoud, celui qui n'est pas louable. Qala rajulun mutamadin fi al-tafrit wal-khata yarju rahmat Allah azza wa jal. قال فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب فقال الثالث قال رجل متماد في التفريط والخطأ يرجو رحمة الله عز وجل بلا عمل قال فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. Donc il dit la troisième c'est la personne qui s'entête yani, dans le marché et dans l'axisme. Il espère la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala lakin biduni amal. Il ne fait pas les causes pour cela. Il dit, rahimahullah, qala fahada huwa al-ghurur. Il se trompe lui-même, yani. une tromperie, je ne sais pas si on peut traduire ça. Non. Taqala huwa al-ghurur, yani le fait qu'il se trompe. Qala wa tamanni, yani espérer une chose fi al-haqiqa qui est devenue impossible pour lui parce qu'il n'a pas pris l'asbab. Qala wa ar-raja' al-kadhib, c'est l'espérance, yani la fausse espérance. À partir du moment qu'il n'œuvre pas, il ne peut pas dire qu'il est yarju wa il espère. Allah Azzawajal dit donc il fait kitabi. قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Le dernier verset de sourate Kahf. قال سبحانه وتعالى فمن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. Celui qui espère la rencontre d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il doit faire? Œuvrer. Donc yani, ça nous montre bien par rapport à ce verset là que espérer une chose, ça demande à la personne d'œuvrer. فقال سبحانه وتعالى فليعمل عملا صالحا. C'est de faire cette œuvre-là en conformité avec la sunnah. Et de unifier Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas lui associer. Dans cette ayah-là, elle nous montre qu'il n'y en a que celui qui espère vraiment, il se doit d'être sincère, et mukhlis. Il se doit d'œuvrer, awwalan, et dans cette œuvre-là, il faut que cette œuvre-là soit conforme à la sunnah, et il faut qu'elle soit mukhlis dans sa ibadah, dans son amal, afin de pouvoir vraiment espérer يعني la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire avec l'agrément d'Allah ya azza wa jal, avec l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le dernier verset de sourate Kahf. فهذا هو الرجاء. قال رحمه الله تعالى قال والخوف, le fait d'avoir peur, الخوف كذلك من العبادة الجليلة والأدلة على أنها عبادة أن الخوف عبادة. قل سبحانه وتعالى فلا تخافوهم وخافوني. فلا تخافوهم وخافوني, n'ayez pas peur d'eux, lakin craignez-moi. فلا تخافوهم وخافوني, فالله سبحانه وتعالى a ordonné qu'on le craigne, qu'on ait peur de lui. Donc ça nous montre que c'est une chose qu'il aime. Toute chose qu'il ordonne, c'est une chose qu'il aime. Donc ça fait partie des ibadah, parce que par rapport au ta'rif, toutes les choses qu'il aime parmi les actes qui sont apparents et cachés. Donc c'est une ibadah qui est jalila, al-khouf, qui est min yani ajal anwa' al-ibadah. Al-khouf wa ar-raja, qui là vraiment c'est, on doit les trouver dans l'amal. فالإنسان إذا عمل يعمل خوفا من عقاب الله عز وجل إلى يعني بخاف يعني يغدوت لشتمان الله سبحانه وتعالى وكذلك يرجو رحمته إلى أن تدخل إليه كما ils ont dit les ulama, ils ont dit الرجاء والخوف كلاهما جناحان, c'est deux ailes, et والعامل c'est que الطائر, c'est comme l'oiseau. Donc l'oiseau, afin qu'il puisse planer, il faut qu'il ait deux ailes. De temps en temps il bat comment s'appelle يعني جناح الرجاء وتنجطن جناح الخوف. أما si jamais il ne bat que جناح الخوف, il va tomber. Tam, il pourra pas voler, il n'ira pas loin. وكذلك si jamais il ne fait que de battre, يعني جناح الرجاء. هذا كذلك, il va pas pouvoir bien voler, il va tomber. وأما إذا حرك الجناحين, les deux, الرجاء والخوف, فيستقيم يعني الطيران. Il pourra prendre en vol, inshallah, et arriver à destination. Donc ça c'est un exemple, يعني كجيد. يعني الآن المرجئة عبدوا الله سبحانه وتعالى بالرجاء. المرجئة ils ont adoré الله عز وجل بالرجاء. يعني ils ont dit un peu comme les النصارى. Dans le sens où ils ont exclu les œuvres. Tant que tu as la foi dans le cœur et que tu l'as prononcé باللسان, tu es un mu'min. Que tu fasses ce que tu fasses. Que tu délaisses la prière, tu délaisses le zakat, tu délaisses yani toutes les a'mal. Pour eux, ça c'est pas de la mécréance. La mécréance est dans le cœur pour eux. La mécréance elle est dans le cœur. هذا سنقول كي باطل. فهؤلاء عبدوا الله بالرجاء, عبدوا الله سبحانه وتعالى بالرجاء. وأما الخوارج فعبدوا الله سبحانه وتعالى بالخوف. Ils ont une exagération dans le خوف, jusqu'au point où ils ont placé les cavernes comme si jamais c'était de la mécréance. يعني زادوا في الخوف. وأهل السنة والجماعة وفق لذلك فعبدوا الله خوفا ورجاء, par espérance et par crainte. نعم. الخوف معروف يعني باللغة ستوقع المكروه عن أمارة كما قال العلماء معلومة أو مذنونة. C'est le fait de craindre une chose, de la redouter, et cette chose là يعني tu la crains parce que tu es sûr qu'elle va te nuire, tu vois. Ou bien يعني ta غلبة الظن, t'as une forte présomption, t'es pas sûr, c'est la première fois que tu vois ces choses là ou bien c'est la première fois que t'es confronté à ces choses là لكن tu ressens dans ton cœur une crainte, tu redoutes ces choses-là. Lakin, est-ce que cette chose-là peut te nuire ou pas? Il y a une forte présomption de son aspect, elle ne t'aspire pas le as-salam. Fa hada kadhalika yusamma khawfan. qu'il y a Al-Khouf et Kazalik Al-Khashia. Les deux, c'est une peur. Al-Khashia, c'est la peur, avec la certitude biril. Tu es sûr que cette chose-là va te nuire. Maintenant, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous châtier si jamais on ne répond pas à son appel. Donc le fait de répondre à son appel, par crainte de son châtiment, on appelle ça khashia. Parce que je sais que si je ne le fais pas, il y en a bil yaqin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va me châtier. Ça on appelle quoi? Khashia. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala qala innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Certes, ceux qui craignent Allah azawajal sont les ulama. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'ilm, ils ont la certitude. Ils ont les connaissances, ils ont les preuves qui les poussent à adorer Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils redoutent son châtiment. Ils savent que Allah azawajal est dur en châtiment et la akhirah. Et si jamais il y en a al-khawf, il y en a d'une chose, al-fa bit-tawaqqu', t'as une forte présomption que cette chose-là va te nuire. Mais Allah azawajal, on n'a pas une présomption, on sait, on est sûr et certain, que celui qui n'œuvre pas, il est sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin al-an, bit-tawaqqu'. Il y a une chose qui est devant toi, lakin, tu ne la connais pas. Lakin, selon son aspect, tu redoutes cette chose-là. Fala, tu n'es pas bi-yaqin, lakin, tu as une forte présomption que cette chose-là peut te nuire et te faire du mal. Ça, on appelle quoi? Khouf, on n'appelle pas ça khashia. Anna, je me rappelle, on étudiait Kitab Tawhid, ou plutôt Usul al-Thalatha, à Damaj, et je n'arrivais pas à faire la distinction entre les deux, al-khouf ou al-khashia. J'avais compris la définition que un était avec yaqin et l'autre sans yaqin, bi-dhan. Lakin, dans ma tête, je me dis, comment on peut avoir peur d'une chose, qu'on ignore, si jamais tu ignores cette chose-là, comment tu peux avoir peur, J'ai peur d'une chose parce que je suis sûr qu'elle va me nuire et tout, tu vois. Donc, je me disais, j'arrive pas à faire la distinction entre. Et subhanallah, au début, dans la mosquée, c'était dur de réviser dans la mosquée, il fallait s'adapter parce qu'il y a du bruit dans tous les sens, tu vois. Tout le monde en train de réviser, tout le monde en train de encore un, tu vois. Donc ça fait un bruit. Au début, ça demande un temps d'adaptation. Moi, je préférais un coin qui est calme. Donc je sortais dans le wadi. Dehors, il y avait un emplacement, mashallah, où il y avait du sable avec quelques arbres et tout, tranquille. Et je révisais là. Et à un moment, il y a un insecte qui est venu. J'ai jamais vu un insecte comme ça. Il était rouge, il y avait toutes les couleurs bizarres. Il était assez gros, tu vois, mashallah. Et il s'est présenté vers moi, tu vois. Et là, tu vois, khifto, j'ai eu peur. Tu vois. Et j'ai dit, ah, ok. J'ai compris le farb bain al-huma al-an. J'ai compris le farb bain al-khashia wa bain al-khouf al-an. Et je me suis levé, tu vois. Naam. Il y en a une chose que tu redoutes par rapport à son aspect. Tu n'es pas sûr, là. Ça se trouve à aller inoffensif, cette bête-là, tu vois. À faire rien du tout, tu vois. Une fois que tu sais, vraiment que ces choses-là, elle est inoffensive, tu vas plus avoir peur. Lakin, l'aspect te fait peur. Tu redoutes ces choses-là. Tu vois. Donc il y en a al-khouf, il y en a même pas al-fayda, al-khouf, c'est aham min al-khashia. Al-khouf, ça peut être parmi les choses dont on redoute, lakin bil-yakin ou bien bi-ghalabat al-dhan. Comme a dit al-ulama, naham. Al-khouf, هنا, al-khouf al-ibada, c'est un peu comme al-raja. C'est-à-dire de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, dans les choses dont Allah possède uniquement, qu'al-azab, fil-nar. Il a peur d'une personne par crainte qu'il le châtie en enfer. Ah, là, c'est khouf, yani shirk. Si jamais on craint cette personne-là par une chose que Allah Azzawajal est seul à le posséder, ça c'est du shirk. Et si jamais on a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est khouf al-ibada. C'est khouf al-ibada. Ensuite, kada les cas, comme on a pu évoquer dans Raja, donc ça se yanqasim ala thalatha. Ensuite, à khouf, yani al-tabi'i. Le fait d'avoir peur d'un lion, le fait d'avoir peur d'un chien qui est féroce et l'akhiri. Il y a des choses qui sont. Dans lequel Allah Azzawajal il a mis l'asbab al-khouf. Donc ça fait pas partie du shirk. Ça c'est un khouf qui est tabi'i. Ensuite, t'as khouf al-ma'siyah. Le fait de. Tu délaisses al-ibada par peur d'une personne qui te fasse du mal. Mais je délaisse salat al-jama'a parce que j'ai peur que la personne, si je sors, on va m'insulter. Ou bien que par peur de perdre son emploi, il se dit si jamais je vais à la prière, que son patron, il va le virer. Donc il a peur de perdre son emploi, donc il délaisse, مثلاً يعني حضور الجماعة ou certaines wajibat pour préserver son emploi. Ça c'est khouf al-marsiya كذلك. Ça c'est khouf al-marsiya. نعم. Subhanallah, entre parenthèses par rapport à ce qu'on a évoqué, la personne qui a peur de perdre son emploi, proche travaille à la poste dans le 16e. C'était par rapport au Jumu'ah. le Jumu'a, c'était dans, je ne sais plus dans quel coin on était là, c'était 16e. Al-Mu'im devait partir dans un coin, dans le 17e. Pour m'y rendre, ça prenait du temps. Donc je venais super en retard. Je commençais, je ne sais plus à quelle heure, à 1h. Et je venais à 2h30. Mais je finissais dans les temps. Tu vois, c'était de 1h30 jusqu'à 5h30, ou je ne sais plus, 6h30. Et moi, alhamdoulilah, je connaissais bien mon parcours, tu vois. Donc je finissais dans les temps. Donc j'ai demandé à un frère. J'ai dit, frère, qu'est-ce que je fais, Yarni? J'arrive pas à, je peux pas joindre entre les deux, faire le travail et le Jumu'ah. Qu'est-ce qu'il m'a dit, celui-là? Il m'a dit, la baisse, que tu délaisses un Jumu'ah de temps en temps. Astaghfirullah. Wallah, il m'a dit, parce que, il y a le hadith, man taraka thalatha Jumu'ah, tubi'a ala qalbi. Celui qui délaisse trois Jumu'ah, son cœur va être scellé. Donc il a dit, al-khatar, la gravité, c'est le fait de laisser trois Jumu'ah d'affilée. Mais si jamais tu fais un Jumu'ah, t'en laisses deux, ou bien t'en fais deux et t'en laisses un, t'en laisses pas trois consécutifs, ada, inshallah, yani, narjou, inshallah, la basabi, tu vois. Subhanallah, j'ai dit, la photo, je l'ai pris, elle était bizarre un peu pour moi, mais je me suis dit, bon, moi c'était dans mes débuts dans l'islam, yani. Je me suis dit, bon, lui, il connaît un peu mieux que moi, donc je pense qu'il a dû prendre une bonne explication. Mais j'étais pas mutma'in. Dans mon cœur, il était pas apaisé, tu vois. Et subhanallah, je suis tombé dans, je lisais surat al-Jumu'ah. Wallah khayr al-raziqin. Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des raziq. Donc dans ma tête, je me suis dit, si jamais, et kadalik al-aya wa fi sama rizqukum wa ma tu'atun. C'est Allah qui donne, yani, ton rizq il est fi sama. Je me suis dit, celui qui m'a ordonné de l'adorer, c'est celui qui me donne mon rizq. Donc pourquoi je vais obéir à cette personne-là? J'ai dit non. J'ai fait quelques Jumu'ah comme ça, là, j'étais pas bien dans mon cœur. Donc je me suis dit, non, je m'en fous, je délaisse. S'il me vire, il me vire. Al-Muhim, c'est Allah qui donne le risque, tu vois. Donc à la fin du CDD, 3 mois, ils sont venus, ils m'ont dit, tu viens tous les jours en retard, ceci, cela. J'aurais expliqué, j'ai dit, le plus important, c'est de venir à l'heure et de finir en retard, ou bien de venir en retard et de finir à l'heure. Il a dit, c'est pas toi qui fais les conditions, tu viens à l'heure et tu finis à l'heure, tu vois. J'ai dit, khair, inshallah. Al-Muhim, ils m'ont pas gardé, tu vois. J'ai fait l'ASBEP, donc j'ai fait des lettres de CV, des lettres de motivation, j'ai envoyé encore à d'autres coins dans la poste, tu vois. Et subhanallah, j'ai trouvé, dans le 20e, l'imposte qu'elle avait à la poste, j'avais une voiture, et je faisais toutes les prières à l'heure. Et j'avais les horaires, c'était le matin. Al-Muhim, j'arrivais à l'heure, je faisais mes prières à l'heure dans la mosquée. Subhanallah. Et là, je me suis dit, subhanallah, yani, cette ayah-là, elle est forte, tu vois. Yani, l'insan yatawakkal ala Allah. الشاهد في ذلك الإنسان يتوكل الله لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير jamais vous placez vraiment votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous donner la substance comme il la donne aux oiseaux sans se préoccuper ceci et cela. C'est Allah qui l'a, yani, par rapport, yani, entre parenthèses, par rapport à ce qu'on a évoqué, la personne qui a peur de perdre son emploi, si jamais il remplit ses obligations islamiques, فهذا في الحقيقة, yani, on doit qaddam, yani, mardatillah, on doit faire précéder l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala aux chances qui sont mondaines. Allah, c'est lui qui donne. Allah, c'est lui qui donne. Et ça, c'est un exemple qui est wadih, yani. Malgré que la ayah suffit, tu vois. Lakin, lorsque tu as une ayah et ensuite tu as un exemple, yani, waqi'i, qui est vraiment arrivé, là, tu as la certitude, yani, qui monte. La certitude, elle a des paliers. Là, j'avais la certitude dans le cœur que voilà, il faut qaddam l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, des fois, j'arrivais même à finir, tellement je connaissais bien mon parcours, à 9h. Je rentrais chez moi à besoin, j'allais faire mon jogging à Colombes, je courais, je revenais à 11h et je rendais la voiture. Tu vois, pour te dire, yani, subhanallah, celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui suffire. Donc, attawakkal ala. Donc là, en vérité, ça se divise en 4. Ya raja kadalika, si jamais il espère une chose qui est dans le marcia, il espère qu'il va qui va voler pour lui, il espère que ceci, cela, yani, c'est le Raja qui est martial. Non. Donc en vérité, il y en a quatre. Khofu ibada, khofu shirk, khofu tabi'i, wa khofu martial. Wa Raja kadalika. Donc, attawakkul à Allah. Donc là, on y arrive. Qala wa attawakkul. Le fait de placer la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'i'timad à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafwid al-amru ilayhi ma'a akhd al-asbab. C'est le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de prendre les asbab. Atawakkul, c'est obligé de prendre des asbab. C'est obligé de prendre les asbab maha. Ama soufiya, tu vois, eux, ils délaissent les asbab. Yani, son cœur, il y a tamid à Allah subhanahu wa ta'ala, il s'appuie sur Allah subhanahu wa ta'ala, lesquels sont prendre des asbab. sans prendre d'asbab. Et ça, on a pu entendre ces certains tablirs qui sont un peu de soufis. Parce qu'ils ont parmi les piliers dans leur aqidah, al-yaqin. Ils parlent beaucoup de yaqin, yaqin, la certitude. Et des fois, pour tester leur yaqin, il a été évoqué que certains viennent devant leur porte, et ça, c'est des frères qui m'ont raconté qui étaient dans le tablir. Il vient devant la porte et il dit là, je vais tester mon yaqin. Si jamais vraiment j'ai le yaqin, Allah subhanahu wa ta'ala, il va m'ouvrir la porte sans les clés. Donc, yani, il se métamorphose, le muhim. Yani, il cherche le tawakkul au fond de lui-même, yani. Il se concentre pour que la porte s'ouvre, tu vois. Et la porte ne s'ouvre pas. Il se met à pleurer, il dit bon, j'ai pas encore le yaqin qui évolue. Donc, il ouvre la porte avec la clé. Ah, c'est du. Ah, c'est une fadiha, ah, c'est une istihza. Ouais, non, ils sont pleins de hajaib. Wallahu musta'an. Fait tawakkul la budda min akhd al asbab. Que tu prennes les asbab. Al-Nabi sallam c'était imam al-mutawakkilin. Et malgré cela, il y en a dans fil harb, kan yalbas al-dhar, il portait le bouclier, il portait l'armure avec lui. Donc il prenait l'asbab yani pour combattre. Il faisait l'asbab pour combattre. Naam. Fa kadhalika celui qui veut le risque, il tawakkal ala Allah subhanahu wa ta'ala, lakin il reste pas chez lui. Yani yasfa fil asbab. Il fait tijara, ceci, cela, ensuite Allah azza wa jal. C'est lui qui va lui mettre la baraka, il va lui donner yani, la substance par rapport à cela. Donc yani, il ne faut pas faire la ifrat ou la tafrit. Il y en a qui ont fait tafrit, négligence, c'est-à-dire ils ont délaissé les asbab. Et d'autres, ils ont fait l'ifrat, c'est-à-dire qu'ils se sont appuyés totalement sur les asbab. Qui s'appuient totalement sur les asbab et ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils mettent ces asbab-là comme si jamais c'était ces choses-là, yani, que quoi qu'il en soit, ce sabab-là va lui donner la chose qu'il recherche. فالتوكل بينهما يعتمد على الله سبحانه وتعالى يأخذ الأسباب إلى أسباب qui sont nafi'a qui sont profitables dans lesquelles yani on sait que c'est des asbab qui par lesquelles on peut avoir ces choses là qu'on espère ويتوكل أي يعتمد على الله سبحانه وتعالى parce qu'il sait que ces choses là c'est qu'un sabab et Allah عز وجل c'est lui qui fait toutes choses c'est Allah سبحانه وتعالى qui donne et qui fait toutes choses نعم فهذا هو التوكل والتوكل من أنواع العبادة معلوم وما يتوكل على الله فهو حسبه يعني أثنى الله عز وجل على المتوكلين إلى آخر يعني الآية في ذلك هي كثيرة جدا والتوكل يبا سختين التوكل ينقسم إلى قسمين توكل الشركي يعني أكبر وتوكل شرك أصغر التوكل كله شرك أكبر يبا دو شرك أصغر من توكل سيستفى هذا هو صحيح يبا دو فرق بينهما سكما السجود يبا سجود يعني شرك أكبر وسجود شرك أصغر كلاهما سي c'est du kufr billah subhanahu wa ta'ala naham wa ruku' ila akhiri fa tawakkul kulluhu kufr si jamais quelqu'un ya'tamid ala ghayri llahi azza wa jall ça c'est du kufr billah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah dit wa ma tasha'una illa an yasha' Allah rabbul alamin on peut pas avoir la volonté de faire une chose excepté si jamais Allah subhanahu wa ta'ala le veut donc le fait de placer sa confiance sur un autre qu'Allah azza wa jall ou s'appuyer sur Allah c'est en contradiction avec cette ayah là naham قال رحمه الله تعالى قال والرهبة الرهبة سكم الرجاء الرهبة والرجاء في الحقيقة يعني les deux ils sont liés c'est un peu comme l'islam et l'iman c'est un peu comme l'islam et l'iman si jamais مثلا on trouve dans une phrase الرجاء والرهبة الرجاء ça voudrait dire يعني, que le cœur est lié à ces choses là يعني il espère ces choses là par le cœur والرهبة c'est العمل به Donc ça veut dire que Ar-Raja c'est le premier stade. Son cœur est lié à ces choses-là et dont il espère. Et si vraiment son cœur est lié à ces choses-là sincèrement, il va avoir une rahba, c'est-à-dire qu'il va faire les causes. Donc rahba c'est amalu ar-Raja. Ar-Rahba c'est amalu ar-Raja. Mais si jamais on trouve que Ar-Raja, ça englobe Ar-Rahba, parce que Ar-Raja, As-Sahih c'est celui qui est fait avec Akhd al-Asbab en faisant les causes. كذلك الرهبة جمال évoqué toute seule الرهبة بمعنى الرجاء c'est-à-dire qu'il fait les asbab et وقلبه متعلق به son cœur elle est liée yani il espère cette chose là par son cœur donc il va œuvrer fa fil haqiqa c'est les deux c'est un peu pareil tam sauf que الرجاء c'est متعلق بالقلب والرهبة c'est متعلق بالجوارح الرجاء c'est lié au cœur والرهبة c'est lié aux œuvres yani aux جوارح والرهبة كذلك c'est la même chose avec le khouf سعمل الخوف الرهبة سعمل الخوف. يعني الإنسان إذا خاف الله عز وجل حقيقة عمل بالمقتضى بالسبب. عمل vraiment peur d'Allah سبحانه وتعالى le redoute. Il va faire les asbab يعني pour se préserver du châtiment d'Allah سبحانه وتعالى. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va œuvrer. Donc le fait qu'il œuvre de ces choses-là dont il a peur, on appelle ça al-rahba. Al-rahba. Al-rahba c'est amal al-khouf. Donc c'est la même chose. Al-rahba c'est bil-jawarih, wal-khouf c'est le qalb. Si jamais tu trouves al-khouf ou al-rahba. مثلا on dit al-insan labbud annahu yakhaf wa yarhab. De manière que son cœur ait peur et que ses membres aussi ont peur. C'est-à-dire qu'il œuvre. C'est un peu la même chose. Al-rahba si jamais c'est évoqué tout seul, bi ma'na al-khouf. Ou le khouf, si jamais il est évoqué tout ça, bi ma'na ar-rahba, na'am. C'est un peu pareil. Ou l'inaba, l'inaba c'est amal al-tawba. Al-tawba c'est quoi? C'est, comme l'a évoqué l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala fi Riyad Salihin, c'est le nadama, c'est le fait de regretter. Lorsqu'on dit al-tawba al-nasuha, c'est le fait de regretter le péché qu'il a fait. Yendam. Wa ya'zim ala an la ya'ud fi. Il a une fermeté à ne plus revenir dessus. Il a délaissé cette chose-là. Ça s'appelle quoi? Tauba. Wal-inaba, c'est tauba. Donc ces trois choses-là. Wa-ziyada, c'est quoi? Al-iqbali ala Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que il regrette, il a une fermeté de ne plus revenir, il a délaissé ce péché-là, et il fait beaucoup plus d'œuvres. Yuslih amala. كما قال سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني لغفار لمن je suis le grand pardonneur pour celui qui a fait tauba ويؤمن وعمل صالحا et qui œuvre bien وعمل صالحا بمعنى الإنابة فهو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بقصد الإصلاح c'est le fait de revenir sur un péché qu'on a fait avec l'iqbal Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des bonnes œuvres. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم واتبعي السيئه الحسنه تمحوها. نعم. Fais suivre la mauvaise action une bonne action. C'est ça l'inaba. تمام. كما في هذا الحديث حديث ابي ذر واتبعي السيئه الحسنه تمحوها كما عند الامام الترمذي رحمه الله. Ça c'est l'inaba, le fait de faire suivre à une mauvaise action une bonne action. C'est tauba ou l'iqbal Allah subhanahu wa ta'ala باصلاح العمل كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله تعالى قال وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن et chacune de ces عبادة qu'il a cité tu vas trouver un dalil qui prouve que c'est une عبادة il les a évoqués dans أصول الثلاثة الأدلة في ذلك on a pu évoquer nous كذلك certains des أدلة par rapport à cela c'est tous des عبادة دليلة donc celui qui donne une de ces عبادة ou autre à Allah سبحانه وتعالى à associer dans توحيد الألوهية et deviendra mushrik billahi azza wa jad. Naam. Inch'Allah, le nouh salis, on le laisse pour notre temps, inch'Allah. Alhamdulillah.